Exercice 2, page 19. A. Ma jupe est verte. Mon jean est vert. B. Mes robes sont noires. Mes pulls sont noirs. C. Ta casquette est blanche? Ton chapeau est blanc? D. Tes chaussures sont grises? Tes chaussons sont gris? E. Sa doudoune est marron. Son manteau est marron. F. Ses écharpes sont violettes. Ses foulards sont violets.